noyaux d'olive dans le cendrier, semelles de courrier déchirées. Quelques mots et quelques verbes ont suffi pour me rendre acerbe. On croit vouloir tout oublier, mais on garde quand même quelques lettres bien pliées. On laisse traîner des sentiments qui nous reviennent toujours à temps, à chaque printemps malheureusement. Mon âme ne pèse plus que quelques grammes. J'aurais pas dû me replonger au cœur du drame. Dans l'océan de mes songes, mon âme brûle et mon corps se consume. Tapis dans le noir d'un vieux placard, quelques feuilles de papier jaunies raconte de très vieilles histoires que je croyais ensevelies à tout jamais. Et je la lis, je la relis, cette antédiluvienne correspondance. Et c'est le grand chambardement de tous mes sens. Melpomène mène la danse. Mon âme ne pèse plus que quelques grammes. J'aurais pas dû me plonger au cœur du drame. Dans l'océan de mes songes, mon âme brûle et mon corps se consume. La juxtaposition de tout ce vocabulaire m'a fait trembler la jugulaire. Ces manuscrits d'un temps passé ont fini par ébranler mes nerfs d'acier. Mon âme ne pèse plus que quelques grammes. J'aurais pas dû me plonger au cœur du drame. Dans l'océan de mes songes, mon âme brûle et mon corps se gonfle.